Couple Etoka, Jolie Willy, Willy Fort Etoka, Willy Junior. Ozali c'est mon témana, Ozali oyo na luka depuis kala. Ozali la femme selon mon cœur, Jolie wapi yo. À tenir compte de son poussière. Mon bébé a souci au Canada, moi, mawa. Nabatama au milieu de son cœur. Parce qu'elle est fait à mon gelé. Jess et Max et Teka. Tina et Lina, les jumelles. Joli projet, Ali Pala et c'est réalisé. Tobalani, Tokomi, Bomoko. Denis, Kiki, Christelle, Nguesso, les grands pétroliers. Atana paradis au baso singa se bolingo. Anani ana safir bazala kina bolingo. Mama Esther Kibata. Si c'est la Biblia. Lelo na mettre en pratique vers d'amour en action. L'abbé Norbert Bouka. Mama Jeanne et papa Lonasira. Linda Rivena Gesayo Willie Toka. Stella Atipo. Viera. Junior Nathan. Et Joey Saint Willy. Grâce. Irma et Adeline Fato, Maman Jeanne et Maman Jackie, ton meilleur ami, et c'est lui qui te défend quand on parle de toi, et qui parle de toi quand on t'oublie. Willy et Toka, Abali, les lois jolies, Willy, Abali, Jolie, Abali, Willy et Toka, Jolie, Abali, Maman Adé, la la la la la la, Daï Kunta, la la la la la la. Willy et Toka, Abali, les lois jolies, Willy, Abali, Willy et Toka, Jolie, Abali, Germain Vambi, taxi parisien. Vase, Sengo, Nange, Tondi, figure Nanga, échangé, Nasemir, Namai, Soki, Namitali, Namiroir, Peso, Panzana, Atipo, Nathalie, Ngapi, Jean-Mathieu Atipo. Mpo esengo nanga eleki molai. Asta et Falone. Koleka atakutu tu danemba. Marcel Ngangende et Mimi. Willy et Toka, Abali le loi joli, Willy Abali. Adelar Mengae. Joli Abali, Willy et Toka, joli Abali. Bive Wonga, Mama Jess Bradford, Roger Motingiaye, l'exambour. Willy et Toka, Abali le loi joli, Willy Abali. J'y sais songo, sans pengombe y nene kolesha. Willy papa na jignore na nato. Si tamu sampai. Na chere na ko chéri riopo na libela. Amina Mokonzi, Jean-Pi Mongala, Gigi Mangwana. Tete ola tisinga na monsapi na merite. Bienvenue Makanga. Pomoto na yo elala kanali peka na ngai. John Vuiti. Yelanga bolingo na yo, lokola bilei na sangata esika kopumba. Pichunzita. Yelanga amour na yo, lokola mayebale tonisanga motema na kimia. Jipe mindia le big manager. Willy na joli conseil na kopisa boza la soude. Koti mascotte, Fideline Moussadi, mami lelaye. Exemple mama, Ngulina ya denges. Les patrons de Tendai, songi songe, ba mi fiti, atali wa yambelie, na banga tempo na yo. Grand-père Bozi Boziana, voilà les œuvres. Les lotos bengisi ba famille de deux côtés. Moïse Morel, Nikan Sebayaka. To bengisi ba masta, ba témoin. Régis Mbumbo. Libala la bisole kili mousso ya banganga nzambe. Lorraine Masumbuko, Abedel Mindia, Amori Luntadie. Willy et Toka, Abali le loi joli, Willy Abali. Joli Abali, Willy et Toka, joli Abali. J.R. Ikoli, Kachef Mungambi. Willy et Toka, Abali le loi joli, Willy Abali. Monsieur Laurent, Bokson et Bokassa. Nicolas et Zana Soukate pour la minzoto joli. Et balé pour la matanga nangoya maïka si la moti mao. Na kokina pesate mama.